Activité 5, page 77. Piste 57. A. Faire du vélo. B. Faire de la pêche. C. Faire de la natation. D. Faire du camping. E. Faire de la peinture. F. Faire du foot.